Nous joignons maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada, déjà en cours. Aucun contrôle de la qualité n'est requis pour les garderies familiales sans permis. C'est fou, ça. Sur le net, au cestfou.ca. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Simon Fitzbé continue son historique du rock dans sa chronique Phénomène et on sera en Alberta avec Kiwan en cavale à Assemblage Requis tout de suite. Bonjour, bienvenue à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées en ce jeudi 7 octobre 2010, 7h14. Mon nom est Mathieu Plante. Ah, y a personne pour me répondre. Ah, je me sens seul. Ah, le studio est donc bien vide. Caroline, regarde-moi ça. Hey, j'avais jamais remarqué qu'il y avait un babillard là, toi. Hey non, mais sans blague, bienvenue à Assemblage Requis. Je suis seul, je suis Mathieu Plante, mais je suis quand même là pour vous divertir jusqu'à 9h parce que François-Olivier Marchand, mais il est pas là aujourd'hui. Et je vous dirai pas pourquoi tout de suite, mais il nous prépare des petites surprises, des manigances, j'irais même jusqu'à dire. On va le retrouver mardi, on va savoir ce qui se passe avec lui. Mais pour l'instant, on a un gros plan pour l'émission d'aujourd'hui quand même. Il va y avoir Simon Fitzbé avec sa chronique historique rock qu'on appelle Phénomène. C'est vers les 8h. Ensuite, à 8h30, il y a François-André qui va être présent avec sa chronique Logocratie 101, sa chronique politique. On va voir des faits divers et complètement inutiles dans C'est un fait, comme à tous les jours. Hein, je vous priverai pas de ça, mes petits requins. On va commencer l'émission aujourd'hui avec un petit peu de Wood Hands. Voici Pockets sur C'est fou, 89.fm. Allez, je me sens moins seul tout d'un coup. La musique commence. Wow. Okay. Zeus avec How Does It Feel, leur assemblage requis, émission matinale en pièces détachées sur les ondes de Cifou 89.fm. Toujours Mathieu Plante avec vous et vous êtes bien chanceux de pouvoir être en studio avec moi et François-Olivier Marchand, mon co-animateur aussi, parce que quand il n'est pas là, ben, je chante un petit peu par-dessus les tonnes, puis c'est pas très bon. Donc, parlons de Facebook. Hier, à assemblage requis, c'est la journée Facebook. On avait comme 3-4 nouvelles là-dessus, dont celle qui disait qu'il allait avoir une annonce de fête pendant la journée d'hier. Et là, ça a été annoncé. Donc, Facebook a terminé sa conférence transmise en direct via le site Facebook Live. Le fondateur du réseau, Mark Zuckerberg, vous le connaissez, a fait 3 importantes annonces concernant principalement des améliorations techniques accordant davantage de contrôle aux membres sur leurs informations personnelles. D'abord, Facebook permet dès aujourd'hui aux membres de rassembler l'ensemble de leurs informations personnelles et des contenus conservés sur leur compte, comme les statuts, les messages, photos, vidéos, sous la forme d'un fichier zip compressé. Ça va permettre de téléverser, donc uploader, les données plus facilement sur l'ordinateur personnel de l'usager. En fait, téléverser, plus downloader dans ce cas-ci, pour télécharger vers le bas. Pour Zuckerberg, la fonctionnalité Download Your Information rend les données mobiles tout en permettant aux membres de conserver le contrôle sur leurs données personnelles. Le réseau affirme veiller à ce que ce processus soit le plus sécuritaire possible en exigeant un mot de passe et diverses questions de sécurité, par exemple. Le fichier zip peut être envoyé par courriel aux membres. De plus, Facebook met à la disposition des internautes un tableau de bord répertoriant les permissions accordées par un usager aux membres, par un usager aux applications et quelles informations ils utilisent. Ainsi, les membres pourront modifier les paramètres de confidentialité d'une application ou même carrément la supprimer. Finalement, la fonctionnalité groupe se base sur une série d'algorithmes permettant de rassembler les contacts proches d'un membre au sein d'un groupe plus restreint et thématique, par exemple le groupe d'amis intimes, de collègues de travail, la famille, etc. Lorsqu'un membre est intégré à un groupe, ses mises à jour sont plus fréquemment affichées que celles publiées par des contacts moins intimes. Tu vois ça, j'adore ça! Parce qu'il y avait déjà la possibilité de faire des groupes d'amis, donc tu peux mettre des amis de Trois-Rivières, par exemple, dans un groupe, des amis de l'UQTR, plus précisément, dans un autre groupe, ta famille dans un autre, mais il n'y avait aucune façon de filtrer qu'est-ce qui apparaissait sur ton news stream feed fil ou peu importe là. Donc tu pouvais pas classer ça et là tu avais tout le monde pas mal dans la même soupe si on veut. Et là tu vas pouvoir ajuster quels groupes sont moins importants lesquels que tu veux juste voir vraiment ce qu'il y a d'essentiel là, tiens. Je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être mais en tout cas, c'est le fun, j'aime ça. Lorsqu'un membre est intégré à un groupe, ses mises à jour seront plus fréquemment affichées que celles publiées par des contacts moins intimes. C'est ce que je disais. Bon. Groupe est un lieu de partage un peu plus privé et dédié à un groupe restreint d'amis proches du membre. Il propose des fonctionnalités de clavardage en groupe, des listes de courriels, etc. Le paramètre de confidentialité ferme l'accès à un groupe par défaut, de sorte que seuls les membres de ce groupe peuvent voir si c'est publié ou y ajouter des membres. Hein? De ce fait, Facebook encourage les interactions plus privées. Bon, après avoir essayé d'ouvrir ça à tout le monde et faire que toutes les affaires finalement sont accessibles à tous par défaut, là ils reviennent en arrière à cause du chiolage. C'est bon ça. On dit aussi que la vidéo va représenter la moitié du trafic Internet dès 2012. C'est ce qu'on a appris mardi soir lors d'une rencontre avec la presse organisée à Buenos Aires par le géant américain du web Google. Déjà 445 millions utilisent YouTube. La vidéo représentera la moitié du trafic Internet dans 2 ans, a dit un journaliste colombien spécialisé. Plus de 82% des personnes qui utilisent Internet consultent des vidéos. C'est ce qu'a fait valoir cet expert lors du séminaire de Google. Il y a 2 milliards de personnes connectées à Internet dans le monde et on assiste à une véritable explosion des réseaux sociaux tels que Facebook qui avait 200 millions de membres en juin dernier. En Amérique latine, sur 10 personnes connectées à Internet, 9 utilisent Google. En Argentine, les réseaux sociaux représentent 66% du temps de connexion selon la même source qui est une responsable de Google Argentine. Google est le numéro 1 incontesté de la recherche sur Internet avec les 2/3 du marché aux États-Unis, mais voit sa prééminence grignotée par la concurrence, en particulier le moteur Bing, lancé par Microsoft en juillet 2009, qui atteint aujourd'hui les 11%. Ce qui est le fun de Bing, c'est que ça vient avec Internet Explorer, puis le monde se sert de ça. C'est bien sûr que le monde va chercher sur Bing, hein? Tu sais, quand ta page d'accueil, c'est msn.ca, tu sais, hein? Puis que la recherche est propulsée par Bing, c'est bien sûr que ça monte ton chiffre artificiellement. Là. Ça veut pas dire que le monde s'en serve. Là. Même les gens qui ont msn.ca comme page d'accueil vont taper google.com pour aller chercher des fois. Bref, voilà ma façon de voir ça. Les liens vers ces articles sont sur assemblagerequis.com, comme toujours, et comme tous les liens d'émission et pour la balado-diffusion, c'est www.assemblagerequis.com. C'est simple de même. Simple de même. J'aime ça, moi. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, on construit votre journée à partir de matériaux de qualité. D'ailleurs, les matériaux de qualité s'en viennent extrêmement bientôt. Là. On commence l'émission tranquillement, des petites nouvelles, farfelues, belle fun. Mais à partir de 7h45, on va avoir 3 chroniqueurs dans l'émission d'aujourd'hui. Et j'en ai pas mentionné un lors de l'intro parlé là, que j'ai fait au début de l'émission. J'avais pas mentionné Kiwan. Il s'en vient à 7h45 avec sa chronique Kiwan en cavale. Il va nous parler en direct de l'Alberta. Oui. Après ça, on va voir Simon Fédibé avec Phénomène et puis François Landry avec Logocratie 101. Donc, gros programme. dans notre petit programme. On va entendre Antoine Graton, on l'a ressorti récemment ce CD-là, et puis là, ben, depuis qu'il est sorti, ben, crème, je le vois, puis je me dis, ben, pas le choix de le jouer, tellement bon. Voici 500 000 milles au 89.1 FM. Comme toutes les actrices blondes des films américains dans les années 80, tu m'as donné espoir que peut-être un jour ce serait mon tour. Mais à la place, tu m'as regardé dans ma face et tu m'as dit oui quand j'étais devant ici, puis t'es parti sans me dire où tu t'es enfui pendant que j'étais sous. Madame Lou, travailles-tu à soir? Dany Placard et Madame Lou à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Mon nom est Mathieu Plante, je suis seul aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué. Hein? François va être de retour mardi avec une petite surprise, apparemment. Mm-hmm. Mais pour l'instant, c'est le moment de parler de choses complètement inutiles, comme je fais à tous les jours, et puis c'est toujours aussi inutile. Voici, c'est un fait. Moi, j'adore ça, parler de faits inutiles. Je trouve que c'est le fun à savoir. Commençons avec un fait très intéressant. En 2007, le Venezuela a créé ça commence bien. J'ai de la misère à dire time zone, une zone horaire, là, l'heure, là, tu sais, que ça change, là. Donc, leur zone horaire, disons comme ça, recule le pays d'une demi-heure. Et la raison, selon le président du Venezuela, Hugo Chavez, est que plus de citoyens vont se réveiller plus tôt dans la journée et la productivité de la nation va s'améliorer. En se levant une demi-heure plus tôt. Hein? Très, très logique. Bien des gens disent, par contre, que Chavez a sûrement juste changé l'heure du Venezuela pour être différent des États-Unis. C'est, bon. C'est pas une situation unique à travers la planète. Par contre, l'ouest de l'Australie et le sud de l'Australie ont une heure et demie de différence. Alors que, bon, vous savez, la province canadienne de Terre-Neuve a une demi-heure d'avance sur ses voisins de l'Atlantique. Voilà. Et le Pakistan est une demi-heure derrière son voisin l'Inde, alors que le Népal est 15 minutes après. Genre, compliqué, hein? Moi, je trouve ça bien compliqué, cette affaire-là. Savez-vous que le Lincoln Memorial a une faute de frappe, si on peut l'appeler comme ça, c'est plus une erreur d'un artiste, mais est toujours visible. Deux des plus importants discours de Abraham Lincoln sont gravés à l'intérieur des murs du Memorial. C'est la grosse statue d'Abraham Lincoln, oui. Donc, l'adresse de Gettysburg sur son mur nord et la deuxième adresse d'inauguration sur le mur sud. Pendant qu'il gravait la deuxième adresse d'inauguration, la personne qui gravait le discours là, a fait un E à la place d'un F dans le mot future, au début du mot future. Donc, l'erreur a été corrigée en remplissant la dernière ligne du E pour devenir un F, voilà. Mais l'erreur est quand même assez visible si vous cherchez les petites photos sur assemblagerequis.com. J'ai posté un article avec un article là-dessus. Bon. Bref, le corps de Abraham Lincoln, on nous rappelle qu'il n'est pas enterré au Lincoln Memorial. C'est plutôt à Springfield, en Illinois, qu'il est enterré. Et la position des mains de la statue, il y a des gens qui disaient que c'était le langage des signes. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Voilà. Saviez-vous que la reine n'a pas besoin de passeport? Non, la reine Elisabeth II n'a pas besoin de passeport parce que c'est en fait elle qui les fait. Dans le sens que c'est écrit sur le passeport qu'il est recommandé par la reine. Donc, la reine, son nom est écrit dessus. Donc, elle n'en a pas besoin pour voyager. Tous les autres membres de la famille royale, par contre, doivent avoir un passeport pour voyager, selon le site de British Monarchy. Voilà. De l'autre côté, par contre, les présidents des États-Unis ont besoin d'un passeport, mais leur passeport a une couverture noire. Ils n'ont pas à payer de frais pour ce passeport-là. Sa famille immédiate au président, ainsi que certains officiers de la Maison-Blanche et environ 80 000 personnes du personnel diplomatique ont des passeports similaires. On dit que ça veut dire que George W. Bush, en tant que président et en tant que fils de président, a eu ce passeport spécial-là deux fois. Hein? Et on dit que même quand ton terme à la Maison-Blanche est terminé, tu peux garder ce passeport-là pour le restant de ta vie. Hein? J'espère bien après avoir été président, Carlin. C'est le fun. Connaissez-vous la bibliopégie anthropodermique? Je vais le traduire comme ça, même si c'est sûrement pas la traduction exacte. Bref, c'est la pratique de relier des livres avec de la peau humaine. C'est une technique qui date du 17e siècle et ça nous a laissé encore aujourd'hui avec plusieurs volumes, plusieurs livres qui ont de la peau humaine comme couverture. Mm-hmm. Ça inclut par exemple des livres sur l'anatomie avec des reliures de cadavres, des testaments aussi qui avaient la peau de la personne qui venait de mourir comme reliure. Wow! Et des dossiers judiciaires couverts par la peau du meurtrier. Aïe, aïe! Ça, j'en reviens pas. Saviez-vous que l'acteur Bela Lugosi a été enterré en portant sa cape de Dracula? C'est un des acteurs qui jouait Dracula. Donc, c'est selon sa biographie officielle de Bela Lugosi, qui a été écrite par son fils, écrite même par son fils, et qui peut être retrouvée sur le site officiel de Bela Lugosi. Savez-vous que Farmville est une vraie place, un vrai endroit? Oui, Farmville en Virginie a une population de 6845 personnes sur le census de 2000 et c'est situé entre Richmond et Lynchburg. Ça n'a aucune relation à la populaire application sur Facebook, par contre. Voilà. Ça va faire pour c'est un fait pour l'instant. On se retrouve dans quelques secondes à peine avec la présence de Kiwan, notre bon ami qui est en cavale en Alberta. Mais pour l'instant, on écoute Alex Nevsky avec Notre cœur. Winter Sleep avec la pièce Trace Decay à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Moi, c'est Mathieu Plante, bien sûr. Eh oui, c'est ça, tout seul. Pas de François-Olivier Marchand aujourd'hui. Mais c'est pas grave, même si François-Olivier est pas là, je peux quand même recevoir notre bon ami Kiwan en cavale. Hola, Kiwan! Hey, salut Mathieu, j'adore ton intro, vraiment, là. Hey, c'est le fun comme intro, ton petit, ta petite musique de crème glacée. Ouais, vraiment, là, je l'adore. Ouais. Hey, ça va bien, Mathieu? Oui, ça va bien, toi? Oui. Là, t'es en direct de Calgary aujourd'hui, comparé à la semaine passée, ou là, quelques semaines, deux semaines qu'on s'est parlé, je crois. Ouais, ben c'est ça, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais à Medicine Hat, qui est en fait mon lieu de résidence permanente. C'est juste que c'est tellement ennuyant que j'essaie d'être là le moins souvent possible. Ah! Donc, ouais, c'est ça, je suis à Calgary présentement. OK, qu'est-ce que tu fais là-bas de bon? Ben, en fait, principalement aujourd'hui, là, mon objectif, c'était d'aller passer une entrevue d'emploi. OK. Mais étant donné que c'est quand même pas si proche, hein, Medicine Hat, Calgary, c'est comme un bon 3 heures de route, là, donc je le fais pas... j'essaie de pas le faire, de pas faire les allers-retours trop fréquemment, tu sais, plusieurs fois par jour, disons. Mm-hmm. Donc, étant donné que j'avais affaire à Calgary aujourd'hui, j'en ai profité hier soir qui, en fait, pour moi, est tout à l'heure, je dirais, presque. Ouais, parce que là, il est 2 heures plus tôt. Ici, il était 7h50, là-bas, ça veut dire qu'il est 5h50, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, tout à l'heure, là, hier soir, je suis descendu à Calgary, puis j'en ai profité parce qu'il y avait un groupe que j'aime beaucoup qui était en spectacle ici. À Calgary, Jape and Droids, donc j'en ai profité pour aller voir ça. Puis c'est ça, le spectacle a quand même fini le pas très longtemps. J'ai pas dormi de temps. C'est pas facile, ça. Mais c'est drôle, tantôt, tu faisais jouer une pièce de Winter Sleep. Oui. Puis Winter Sleep vont être en spectacle ici. En fait, j'ai vu ça dans la salle où je suis allé voir Jape and Droids hier. Il y avait d'autres spectacles annoncés pour le mois d'octobre. Et puis, il me semble bien avoir vu Winter Sleep. Vraiment une très belle salle de spectacle que j'ai visitée hier, qui est plus en fait un nightclub. La fin de semaine, ça rend plus une vocation de boîte de nuit. OK, c'est comme un D'Artagnan, genre. Oui, c'est ça. Tu fais des spectacles. Des spectacles. Ouais, le véritable D'Artagnan à Trois-Rivières offre de plus en plus, je pense, de spectacles. Ouais. Une fois par mois. Donc, oui, c'est ça. Donc, ici, il y a quand même l'endroit. Ici, s'appelle The Republic. Il y a vraiment une très, très bonne programmation pour ce qui est de la musique indie puis underground. Tu vois, hier, il y avait Jape and Droids. Avant-hier, Jimmy Little. Ce soir, Holy Fuck au Republic, ici à Calgary. Puis c'est ça, j'ai vu Winter Sleep, The Acorn, Two Hours Traffic. Donc, il y a vraiment de très, très bons groupes canadiens qui passent. D'habitude, ces groupes-là, quand ils passent à Calgary, sont dans cette salle-là. Mm-hmm. Qui est quand même une belle salle, mais c'est ça, avec quand même une esthétique de nightclub. Et mais, ça, c'est... Ouais, quand même, très belle salle. Oui, t'as eu du plaisir. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux que je te parle un peu plus en détail du spectacle, oui, Mathieu? C'est ça. Parle-moi un peu, s'il te plaît, Kiwan en cavale en direct de Calgary. Oui, c'est ça. En fait, Jaybird, c'est la deuxième fois que j'allais les voir. Ils sont encore dans leur méga tournée de l'album Post Nothing, qui dure depuis une éternité. On dirait, non, en fait, ça a l'air d'être depuis très longtemps, mais c'est depuis l'hiver passé, je crois, que la tournée a commencé, puis il y a encore un paquet de dates d'annoncer, là. Ça va vraiment très, très bien pour Jaybird. Moi, je les avais vus quand ils sont passés à Montréal au mois de mai dernier, dans cette tournée-là, puis depuis ce temps-là, ils n'ont pas arrêté, là. Pendant tout l'été, ils ont enchaîné les dates, puis jusqu'à Calgary hier soir. Et puis, c'est ça, moi, je suis un très grand fan de Jaybird. Ouais, tu m'en parles souvent. Ouais, c'est ça, j'en ai souvent fait jouer à l'émission. Puis, je sais pas, on dirait qu'hier, c'est peut-être aussi parce que la foule n'était pas très, très impressionnante. J'aurais pensé qu'étant donné qu'on est plus proche ici de leur du lieu de provenance de Jaybird qui viennent de Vancouver en Colombie-Britannique, j'aurais pensé qu'il y aurait eu un plus grand engouement. Mais non, finalement, je te dirais que ça ressemblait presque, là, que, mettons, proportionnellement, ça ressemblait presque à un soir de semaine à Trois-Rivières. Donc, je dirais peut-être une centaine de personnes. Donc, dans une salle qui est quand même assez grande, donc la salle avait l'air un peu vide. Mais quand même, Jaybird, c'est vraiment une décharge d'énergie incroyable sur scène. Et puis, j'ai réalisé hier vraiment, parce qu'ils ont fait quelques nouvelles pièces, puis j'ai réalisé en écoutant les nouvelles pièces qu'il faut vraiment quand même connaître, je pense, l'œuvre de Jaybird assez bien pour aller voir en spectacle, parce que il y a tellement de distorsions, c'est tellement garoché sur scène que déjà qu'à la base, les mélodies sont plutôt rough, là, sont pas très, très bien définies. Pour ceux qui connaissent pas Jaybird, c'est seulement une guitare, un drum, il y a deux gars qui chantent. Donc, puis avec une esthétique très, très rough. Donc, si on connaît pas à l'avance les mélodies, ça se peut que sur scène, on entende juste un long fuzz qui dure 45 minutes. Okay, donc, c'est pas une bonne idée pour découvrir un groupe comme Jaybird d'aller les voir en spectacle, ceux-là. Non, vraiment pas. Okay. Il y avait comme première partie Frog Eyes. Ouais, c'est ça, Frog Eyes, qui est un groupe de la Colombie-Britannique aussi, qui j'ai quand même pas détesté, mais qui m'a laissé un drôle d'impression, là, qui était quand même très différent là, de Jaybird. J'ai trouvé ça bizarre, c'est le groupe qui a joué juste avant Jaybird, mais comme je sais pas comme réchauffement, c'était bizarre un peu, parce que le groupe est quand même assez tranquille. C'est deux gars, deux filles qui ont l'air d'ailleurs d'être genre deux couples de parents. ils ont l'air de faire un peu, je dirais pas âgés, là, mais tu sais, je dirais trentaine avancée. Okay. Ils ont l'air tout gentils, là, ils ont l'air vraiment trop gentils, on dirait. C'est louche. C'est ça, ouais, c'est quasiment louche. Puis c'est ça, le groupe a quand même, étant donné qu'ils sont quatre, là, des mélodies un peu plus étoffé, avec un peu plus de relief, disons, que ce que Jaybird font, mais quand même cette espèce de petit côté sale un peu dans les mélodies. Il y a deux guitares avec vraiment des mélodies de guitare là, pas toujours bien définies, avec c'est ça, un petit côté sale quand même, mais étant donné qu'il y a plus d'instruments, c'était plus construit, c'était plus sage un peu. Il y a une affaire qui me dérangeait vraiment, c'était la simplicité des lignes de percussion. Okay. Je suis sûr que c'est voulu comme ça, là. Ça a été construit de façon, je sais pas, minimale dans leur musique, mais des fois, les guitares étaient tellement intenses, tu sais, les percussions, on aurait dit que les arrangements de percussions avaient été faits par un étudiant de secondaire 2. Donc, c'est un petit peu, des fois, dérangeant. Mais sinon, quand même, c'était quand même bien, Frog Eyes. J'ai vraiment de la misère à retenir ce nom-là. Le premier groupe de la première partie, PS I Love You, c'est un groupe de Toronto, je crois, ou en tout cas de l'Ontario, Kingston, je crois, je sais plus trop. Un groupe ontarien qui ça ressemblait plus un peu là, dans le son puis dans l'esthétique à Jaybird. Moi, je pense que je les aurais mis juste avant Jaybird. Ça aurait fait une meilleure progression, je pense. OK. Bon. D'accord. Donc là, tu vas retourner après ça. Est-ce que tu vas retourner dans ta ville de Medicinat pour l'instant, ou est-ce que tu restes pour l'instant à Calgary, ou tu fais quoi? Malheureusement, j'aurais pas le choix, je pense, de retourner dans mes pénates à Medicinat, là, parce que ça fait quand même plus qu'un mois là, que je suis ici, que je fais la bringue puis que je travaille pas. Donc, j'ai pas vraiment des moyens de faire autre chose que de rester à Medicinat et de ne rien faire. Mais je veux quand même dire aussi que je commence à apprivoiser le Medicinat, je commence à je pense à l'apprécier quand même un peu. Mm-hmm. J'ai découvert récemment un cinéma de répertoire ou mm-hmm. en tout cas de films d'auteurs locaux ici, où je crois, là, en tout cas canadien-anglais. C'est genre, ben, en fait, c'est un théâtre là, qui font des projections comme une ou deux fois par mois. Mais quand même très intéressant comme démarche, je trouve, déjà, là, d'avoir ça à Mélissénat. J'étais très content de voir ça. Puis ça, sinon, là, je commence à prendre les airs un peu. Là. J'ai quand même une vie, là, quand même une vie dans Mélissénat. Je pensais que c'était juste une boule morte. Mais non, finalement, il y a moyen de vivre. Là. Je suis quand même pas si pire. Je suis bien, je dirais. Ouais. Tu surveilles les spectacles un peu? Est-ce qu'il y en a qui s'en viennent dans ton coin que tu vas aller voir? Quand même, à Medicinat, non, là, quand même, c'est quand même pas si bien que ça. Mais non, c'est ça, à Calgary, je dirais que ça arrête pas de bouger. Il s'agit juste que j'ai le temps puis l'occasion de... C'est à 3 heures de route, tu disais? Ouais, c'est ça, 3 heures de route, c'est ça qui est fatiguant à chaque fois. Là. Faut que t'aimes vraiment le Ben pour y aller. Ouais. Bon. Donc, on va aller écouter une pièce de Jap & Joss que t'as choisie. Ben oui, c'est un incontournable, je trouve. Là. Peut-être que ça va être un petit peu rough le matin, mais non, pas tant quand même. Okay. Young Heart Spark Fire, c'est je pense, c'est pas mal l'extrait officiel de l'album Post Nothing de Jap & Joss. D'accord, ben merci beaucoup, Kiwan, puis on se retrouve très bientôt ici à Assemblage Rock. Hey, ben merci à toi, Mathieu, puis bonne fin d'émission. Merci. Puis je te rappelle bientôt. Merci. Bye. OK, bye-bye. Bandroids et Young Hearts. Spark Fire, c'est le reste de tout ça. Young Hearts, Spark Fire de leur album Post Nothing. C'est dans la chronique de Kiwan, notre ami en cavale à Calgary, en Alberta. On le remercie encore une fois. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. Il y en a une deuxième qui s'en vient tantôt avec Simon Fitzbé et sa chronique Phénomène. Et François Landry avec Logocratie 101 un petit peu plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, on se tape un infocampus, on le déguste, on le coupe en pointe, on s'en prend une portion. Nium, nium, nium. Et puis après ça, publicité, et puis on revient avec la deuxième heure. Restez là. C'est fou ça. 89.1. Tu dis que ça nous donne le goût de danser, hein? Oh, c'est tellement de musique entraînante. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Bon, retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Mon nom est Mathieu Plante et oui, je suis seul aujourd'hui. François-Olivier Marchand va être de retour mardi avec peut-être une surprise pour nous. Une surprise à nous annoncer, hein, Simon? Ouais, un beau petit paquet. Un petit paquet, c'est ça. On se garde une petite gêne, on vous dit pas tout, mais lundi, mardi, pas lundi. J'ai-tu dit lundi? Non, mardi. T'as dit lundi, mais après ça, tu t'es repris parce que lundi, vous allez pouvoir dormir. Oui, pour faire changement. Oui, il faut garder ces petites journées de congé-là. Ben oui, il y en a pas beaucoup dans l'année. Non. C'est pas comme au primaire et au secondaire où à chaque deux semaines, t'as un congé, là. Effectivement. Et voilà. Donc, à la voix sexy, comme toujours, que vous entendez là, vous êtes habitué de l'entendre toutes les semaines et vous en demandez encore plus à chaque fois. Vous êtes comme « Mais je veux plus de Simon Fitzbé ». Donc, voici sa chronique Phénomène. Vos souhaits sont exaucés. T'sais? Salut Simon. Salut Mathieu Plante. Tu vas bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, j'ai vu ton vidéo sur mon Facebook. Oui. Avec tout l'orchestre, mais c'est magnifique. C'est incroyable, hein? Allez voir sur la page Facebook de Mathieu Plante, finalement. Ben oui, vous avez un beau petit vidéo, en fait, d'une musique de Doctor Who, justement, qu'on entend. Ben, c'est pas le même thème, mais c'est un autre thème vraiment génial. Avec des extraits vidéo et aussi il y a des méchants qui se promènent dans la salle, des méchants, oui, de Doctor Who. C'est bien déguisé. Oui, mais il faut dire que c'était surtout pour les enfants, hein, ce, oui, genre de spectacle-là, mais la musique est tellement géniale. Je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Donc, j'ai partagé ça avec aussi donc une très bonne animatrice. Oui, de concert. Elle est bonne. peut-être vous posterai-je ce vidéo sur la page d'Assemblage requis aussi. Ah, ben pourquoi pas. Voilà. Alors, Simon Fitzbé est avec nous comme à tous les jeudis pour parler d'historique du rock. Historique du rock, effectivement. Et là, on s'attaque à tout un morceau. En fait, je vais faire un petit préambule par rapport à ça qui a rapport avec l'actualité. Je sais pas si tu as vu dans les nouvelles dernièrement, Glee vient de dépasser les Beatles en nombre de numéros, non pas numéro 1, mais de pièces dans le Billboard Top 100. Hot 100. Le Hot 100, oui, exactement. QCFL. Donc, mais... Je sais pas, ah ouais. Voix de radio comme ils font tout le temps le Billboard. Yeah! Yeah! Donc, Ryan Seacrest, non. Oui, ouais, il faisait de la radio, lui. Hein. Mais là, à cette heure, il va remplacer Larry King. Non, c'est pas Piers Morgan qui l'a remplacé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ryan Seacrest, il le remplace présentement. Ah oui, oui, il fait des petits remplacements comme ça. C'est okay. Ça. Ah, les gars, Glee, bref, donc. Oui, Glee qui a remplacé. Glee, bon, bien sûr, qui est une émission américaine à grand déploiement avec chansons et musique. Comédie musicale un peu, là. Oui, c'est ça, qui sortent pratiquement un album par semaine, là, à cause de toutes les pièces qu'ils reprennent dans leur émission. Bon, on déclassé les Beatles, se retrouve maintenant sixième dans les le groupe ayant eu le plus de pièces dans le top 100. Et donc, Glee est maintenant cinquième. Et on retrouve au top de ça. Le premier, eh bien, c'est notre sujet d'aujourd'hui. En fait, Elvis Presley, qui reste indéclassable au niveau des pièces dans le top 100. On retrouve également James Brown là-dedans, je pense, au numéro 2. Donc, quand même, une valeur américaine assez sûre. Mm-hmm. Et donc, Elvis Presley, on va le voir en deux parties parce que c'est tellement un gros monument de la musique qu'on peut pas nécessairement faire ça en une shot et un peu vous gaver dans le fond d'informations. Donc, on va essayer de faire ça assez concis d'une belle façon. Le temps de gérer une partie. Mm-hmm. Après ça, tu retournes pour la deuxième partie comme au buffet. Effectivement. Pareil, comme c'est un gros buffet. Ben oui. Donc, Elvis Presley, qui est né le 8 janvier 1935 dans une famille pauvre de Tupelo, dans le Mississippi. Donc, il se nomme son vrai nom, Elvis Aaron Presley. Il est le fils unique de Gladys Love Smith et Vernon Elvis Presley. En fait, fils unique, c'est qu'il y avait un frère jumeau qui est mort-né, donc qui se nommait Jesse Garon Presley. Et toute sa vie, donc, la perte de ce frère jumeau-là va l'affecter. Il a grandi jusqu'à l'âge de 13 ans à Tupelo et après ça, ils sont partis vivre à Memphis, au Tennessee. Donc, Elvis, Memphis, ça fit. Ça va très bien ensemble. Oui. Elvis a décidé de tenter sa chance pendant l'été 1953. Il va dans un petit studio d'enregistrement spécialisé dans la musique noire, le studio Sun Records à Memphis. Il est reçu par la secrétaire Marion Casquière, qui enregistre à ses frais deux chansons qui se nomment My Happiness et That's When Your Heartache Begins. Il repart avec le disque sous le bras pour l'offrir à sa mère. C'est un cadeau de fête des mères, dans le fond, à sa maman. Ah, c'est cute! Ah oui, il aimait beaucoup sa maman, Elvis. Ah. Par contre, la secrétaire donc de Sun Records s'est rendu compte que il y avait beaucoup de potentiel avec Elvis Presley et d'ailleurs elle a pris en note pour son patron, elle a écrit tout simplement Elvis Presley voix à écouter, très bon chanteur de ballade. Donc c'est quand même bien, oui. Il s'est fait remarquer par quelqu'un. Et donc, elle parle tout simplement à son patron qui se nomme Philippe, tout simplement. Hein? Philippe. D'écrire son prénom. Comme un tournevis. Oui, comme un tournevis compagnie de disques, peu importe. rasoir. Ah oui. Et donc, elle parle à Philippe qui contacte Elvis pour un essai. Et Elvis se pointe en courant au studio, bien sûr, parce que bon, un essai dans le monde de la musique, lui qui voulait devenir une star. Eh bien, c'était quand même bien. Mais le premier essai est peu concluant, mais par contre, le patron de Sun Records est impressionné par toutes les connaissances musicales d'Elvis. Donc, n'importe quelle chanson qu'il nommait, Elvis la connaissait et lui la chantait. Donc, quand même un vrai Grégory Charles, finalement. Un vrai Grégory Charles du country, du blues et du gospel. Donc, c'est quand même très bien. Et en 1954, donc là, on était à l'été 1953 lorsqu'il a eu son essai. Et par la suite, en 1954, le patron de Sun Records demande à Elvis de revenir pour une audition, mais cette fois-ci avec un groupe. Donc, il y avait Scotty Moore à la guitare et Billy Black à la contrebasse qui l'accompagnaient. Et on dit que Scotty Moore était pas vraiment impressionné par Elvis et Bill Black trouvait ça encore pire que lui. Donc, il avait vraiment pas confiance en Elvis. Le 5 juillet, donc, il était en studio et il y a rien qui est sorti de convenable. Le patron de Sun Records était très déçu. Il était prêt à donc mettre Elvis dehors, fermer le studio, dire « c'est beau, là, on va arrêter pour aujourd'hui ». Mais Elvis a commencé à entamer les premières notes d'une ancienne chanson qui se nomme « That's All Right Mama ». C'est une pièce d'Arthur Crudup. Le célèbre trio qui s'est nommé « The Blue Moon Boys » en octobre 1954 s'est joint... en fait, il y a le batteur DJ Fontana qui s'est joint par la suite. Et voici ce que le patron de Sun Records a dit à propos de « That's All Right ». Ce que venait de faire Elvis avec « That's All Right » me donnait immédiatement la chair de poule. Je savais qu'on tenait quelque chose... ce n'était pas la chanson à proprement parler, mais ce qu'il en faisait. La chanson était à l'origine un blues, Elvis la transformait en rock and roll. Je peux vous dire que pour moi, c'était un choc. J'ai décidé qu'il devait l'enregistrer. Ce fut un premier vrai succès à Memphis. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. It's all right, mama, any way do. Mm-hmm. that's all right. That's all right, mama, any way you do. Elvis Presley. Oui, Elvis Presley avec That's All Right Mama. Première pièce donc il a enregistrée à Sun Records comme succès parce qu'il avait enregistré des pièces pour la fête des mères. Mais donc ça a été une reprise quand même assez intéressante d'Arthur Crudup. C'était une pièce de blues qui a été reprise. D'ailleurs, je suis pas sûr, mais je pense que je l'avais présenté That's All Right Mama dans mon émission Un genre de bleu sur le blues et la jazz. Émission, oui. Bon, en tout cas, on a essayé de faire son possible, mais... Tout à fait. Bon. Oui. Et là, ton émission présentement est bonne aussi, La Saveur du Moment, les jeux du soir. Merci beaucoup, les jeux du soir, oui, effectivement. On te pluggera plus à la fin de ta chronique, mais pour l'instant, on parle d'Elvis Presley dans la chronique Phénomène. Bon. Oui, donc Elvis connaît un succès phénoménal, c'est-à-dire dans la région de Memphis et dans le sud-ouest des États-Unis, grâce à cette pièce That's All Right. Et c'est pourquoi donc le patron de Sun Records, Phillips, décide de l'envoyer en tournée un peu partout aux États-Unis, surtout dans le sud-ouest, puisque c'était là que ça fonctionnait beaucoup. Il mangeait beaucoup de sauce sud-ouest. Il commence ses débuts sur scène, bien sûr. C'était assez maladroit, par contre, parce qu'il était timide, Elvis, lorsqu'il a commencé. Mais les coups brusques du bassin qu'il faisait sur scène, donc, lui a donné rapidement le surnom de Pelvis. Elvis, de Pelvis. C'est un scandale. Oui, c'était très scandaleux. Mais Elvis a été banni au Québec. Hein. Oui, il a fait une petite tournée au Canada. Il était allé, entre autres, à Toronto, à Ottawa, mais il n'a pu jamais venir à Montréal parce que le clergé était ardemment contre Elvis Presley. Colin, qu'est-ce qu'on dit de Rock'n'None après ça, ça? C'était pas beau. C'était pas beau à voir. Rock'n'None. Whoopi Goldberg. Elvis, il n'arrête pas de se produire dans le Sud pendant toute la période 1954-1955. Il va entre autres passer 50 fois à l'émission Louisiana Air Ride, qui est une émission de télévision. C'est là donc qu'il va se faire de plus en plus connaître. Et entre autres, c'est de là également que vient une célèbre phrase lorsqu'il quittait l'émission. Les jeunes étaient encore en folie. Et c'est là la première fois qu'on a décidé, plutôt le producteur Horace Logan a décidé de dire aux jeunes qui étaient en folie, Elvis has left the building. Et donc, c'est grâce à cette fameuse phrase par la suite qu'on a amplifié, puisqu'à chaque fois qu'Elvis faisait un concert, bien lorsque le concert était véritablement fini, on lui disait Elvis have left. On lui disait pas à lui, mais on disait aux fans Elvis has left the building. Ouais. Chose qui est relativement vraie. Savais-tu que le trois quarts du temps, lorsqu'on voit un concert rock et que les rappels sont terminés, les gens ont même pas le temps de quitter le stade. L'artiste est déjà probablement rendu à sa chambre d'hôtel. C'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est une bonne façon, et ça s'est développé un peu dans ce temps-là également avec la folie, donc il fallait bouger vite. Ouais, ben c'est ça me dit, il y en a qui pourraient s'inspirer de ça. Par exemple, c'est le spectacle de Justin Bieber quand il s'est fait pitcher une bouteille d'eau en face. Il pourrait faire ça à chaque spectacle aussi. T'sais. Ben oui. Mais est-ce que tu as vu aussi Justin Bieber qui essayait de s'enfuir d'une foule de filles complètement hystériques sur un Segway, mais un Segway, est-ce que ça paraît, c'est pas aussi vite qu'une gang de filles hystériques? C'est mortel par moment aussi, des fois. Oui. T'as vu le gars qui a acheté la compagnie Segway qui est mort de. Sur un Segway, pas vu, non? Non, j'ai pas vu. Ouais. Pas l'inventeur, le gars qui a acheté la compagnie. Qui a acheté la compagnie après? Il a fait un accident de Segway, puis... Bye bye. Ah ben, je vais me renseigner là-dessus. Tu vas pas t'acheter un Segway pour l'instant, peut-être. Non, peut-être pas, mais anyway, c'est trop cher pour moi. C'est ça. Ah. Donc, il y a pas Linux dessus. Non, il n'y a pas Linux. Ah, je l'ai réinstallé sur mon ordi. Oui, c'est cool. Hey. Oui. Bon. Donc, Elvis, qui est célèbre dans le sud-ouest des États-Unis, comme je le disais depuis tantôt, en fait, fait des concerts un peu partout. Et il y a certains impresarios qui essaient de l'approcher, mais il y en a un surtout qui va l'impressionner au point qu'il va conquérir la carrière d'Elvis. Il va devenir son agent. C'est Thomas Andrew Parker, ou Tom Parker, dit le colonel. Il était aboyeur de cirque. Donc, c'était lui qui allait dans le centre... tu sais, dans le cirque, là, quand t'es dans le chapiteau. Le chapiteau, ouais. Il était en dessous du chapiteau, c'est lui qui criait « Venez, l'enfant, petit garçon. Ah, » hein? Venez voir les animaux se faire maltraiter toute la journée. Oui, effectivement. Ouais. Donc, c'était lui qui faisait ça. Et c'est lui qui, promet à Elvis qu'il va devenir un grand homme. Il dit, en fait, lorsqu'il l'a rencontré, il a dit « Mon homme, tu vaux $1 million. Je te dis que dans pas si longtemps que ça, tu vas avoir $1 million en cash dans tes mains. » Et donc, il signe un contrat d'exclusivité avec Elvis sur 20 ans avec 15 % de revenus. En fait, il va garder 15 % des revenus d'Elvis, qui est quand même... Pas si pire, non? Pas si pire, mais dans les années 70, le pourcentage va être porté à 50 % parce qu'Elvis était son seul client. Un peu comme Céline Dion, qui, elle, donne 50 % de tous ses cachets à son mari, René Angélil. Ouais. Au moins, ça reste en famille. Ça reste en famille. Et donc, lorsque le contrat d'Elvis entre en vigueur, il lui donne trois cadeaux. Le premier, c'est un contrat avec la plus puissante maison de disques au monde, RCA, donc qui va lui donner d'ailleurs une avance $1 million pour ses toutes premières pièces. Et aussi, il va avoir un premier disque d'or avec la pièce Heartbreak Hotel. Et Elvis, qui a tout juste 20 ans, donc a déjà un premier disque d'or, ce qui est quand même bien à cette époque-là. Et le troisième cadeau qui lui a donné, c'est son arrivée au petit écran, puisqu'il va, bien sûr, devant les millions de téléspectateurs, puisqu'il avait fait 50 fois une émission locale, mais là, il s'en va au Ed Sullivan Show. Il a fait, en fait, 80% de l'audience américaine ce soir-là. Donc, tous les gens qui regardaient la télé, il y avait 80% du monde qui regardait Elvis. Oui, exactement. Wow. Donc, c'était le 28 octobre 1955 et ça a été les plus grosses cotes d'écoute jusqu'à l'époque pour une émission de télé nationale. Et Elvis, donc, reçoit le titre de King of Rock and Roll à peu près dans ces époques-là. Donc, il devenait de plus en plus gros de jour en jour. Et donc, il y a plusieurs problèmes avec ses fans qui le poursuivent un peu partout. Et il décide donc de se cacher dans une forteresse derrière des palissades. Et c'est d'ailleurs là qu'il va acheter le 19 mars 1957 pour 120 500 $ US. Une grande maison sur la Highway 51 dans Memphis Sud. Et on va changer ça par la suite pour Elvis Presley Boulevard. Une maison qu'il va baptiser Graceland. Donc, il l'a acheté quand même assez jeune et il l'a gardé toute sa vie, donc Graceland, sa maison à lui. C'est une maison de 24 pièces sur un terrain de 13 hectares. Et donc, il investit pour faire des travaux, pour en faire vraiment son royaume. Il va installer sa famille au complet là-dedans. C'est-à-dire son père, sa mère, ses oncles, ses tantes, ses cousins. Tout le monde s'en va vivre dans sa maison de Memphis. Et à cette époque-là, il était considéré comme la plus grande vedette de rock. Par contre, le 20 janvier 1958, Elvis reçoit un courrier de l'armée américaine qui lui signifie qu'il doit accomplir son service militaire pendant 2 ans. Un service était obligatoire à cette époque-là. Il est affecté en Allemagne où il conduira des jeeps pour le sergent Ira Jones, donc quand même une petite job assez relax. Et son service va être suspendu le 5 mars 1960. Entre autres, on dit que John Lennon va dire que Elvis est mort le jour où il est entré dans l'armée. Je vais avoir une petite anecdote là-dessus un peu plus tard, la semaine prochaine en fait, puisque je pense qu'on devrait peut-être s'arrêter là pour ce qui est de Elvis. Hein. On reviendra la semaine prochaine pour continuer en fait sur la fin de sa carrière dans l'armée, le début de sa carrière au cinéma et son grand retour également. Mm-hmm. On se quitte avec la pièce « Don't be cruel ». Oui, « Don't be cruel », une très très bonne pièce d'Elvis. Oh oh. Oh oh oh, puis on vient, on se dit au revoir après. Vous êtes à Assemblage Requis sur C'est Fou 89 FM. You know I can be sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who a heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want. Don't Be Cruel d'Elvis Presley, c'était bien sûr un succès tout récent, hein, qu'on vient d'entendre. Non, mais tiré de la belle période de l'âge d'or d'Elvis Presley dans la fin des années 50. Tout à fait. C'était la chronique Phénomène de Simon Fitzbé pour cette semaine. On te retrouve, en fait, je sais que tu restes avec nous pour l'émission, mais pour la chronique en tant que telle, on te dit au revoir. Pour les gens qui écoutent les meilleurs moments, etc. Ouais, tu comprends le principe de la chose, c'est ça, pour voir. Les jeudi à la saveur du moment à partir de 21h. Et oui, et on va avoir de très bonnes musiques ce jeudi à partir de 21h. Donc, du John Lennon, du My Bloody Valentine, et c'est que Godspeed You Black Emperor. Oh, hey, beaucoup de choses, beaucoup de styles qui se regroupent dans cette émission-là. Oui. Ça. Saveur du moment. Il y a aussi tes chroniques à l'émission de Danny Janvier, Le Dîner de Con. Le scout de l'Internet, toujours prêt. Oh oui. Oh. Ça, c'est les jeudis entre 11h et 13h. Oui. Et puis, à l'émission Rock Classique avec Alain Lefebvre, c'est les vendredis à partir de 11h. Oui, les éphémérides du rock. Ça s'appelle les carrés aux dates. Ouais, ouais. Genre. Mais ça fait plus, plus rock de dire les éphémérides du rock. Ouais, c'est ça. Ou le dating squares. Oh! Les dating squares, ça veut rien dire du tout. Donc voilà, merci Simon. Ouais, merci beaucoup. Bye. Vous êtes toujours Assemblage Rocky, c'est l'émission matinale en pièces détachées avec moi, Mathieu Plante. Dans quelques secondes, dans quelques minutes, juste après le bloc publicitaire, on va revenir et on va avoir notre ami François Landry qui va nous parler de politique dans sa chronique Logocratie 101. Et cette semaine, il nous parle du financement des partis politiques. C'est juste après ceci au 89 FM. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 9h, c'est fou. Merci. C'est fou, ça. C'est très, très bon, hein? Puis je trouve que... 89.1. C'était très bien enregistré, hein, cette cassette-là. Assemblage Rocky est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage Rocky jusqu'à 9h. C'est fou! Oui, mais sans François-Olivier Marchand aujourd'hui. Non, c'est juste moi, Mathieu Plante. Mais Simon est quand même avec nous, même si, tu sais... C'est un chroniqueur de comment dire, de merveille. Moi, tabarouette, je vais poser des questions. Ah, c'est ça. Ben, tabarouette. Ben, tabarouette. C'est toi qui dis ça, tabarouette, si tu tombes à toi? Ben non, mais c'est... C'est François qui dit ça. François? Ah, François, il dit ça. Oui, je pensais que c'était juste en fait... En son fait, expression, dont en il fait, ouais, ben, on pourrait faire ça comme ça aussi. Ah, OK. Fait que dis les deux, puis ça va aller, je pense. En fait, tabarouette. Donc, en fait, tabarouette, Simon Fitzbé qui va rester avec moi pour poser des questions à François Landry qu'on accueille en se levant, comme toujours. Voici Logocratie 101. S'il vous plaît, collègues. Le début est solennel. Royal. Collègues, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Tu vas bien, tabarouette? Ah, ça va bien, tabarouette. Colin, c'est cool. Ciboulot, sac à papier. Okay, on pourrait toutes les sortir comme ça, là. Ouais, mais ils sont tous drôles. Oui, parce que François, on sait qu'il en utilise beaucoup de patois, donc on pourrait faire la liste des françoisismes qu'on pourrait utiliser à la radio de même comme pour remplacer un sac. Ou, ça serait intéressant. Ouais, c'est bon. Hein? C'est comme le caviardage. Oui, hein? Oui, que tu aimes toujours. Remplacer des sacs par des sacs un petit peu plus gentils. Voilà. Peut-être. Voilà, ça serait bien, oui. Aujourd'hui, on parle de financement des partis politiques dans ta chronique. Oui, monsieur, parce que c'est au cœur de, non pas la commission Bastarache, mais on n'arrête pas d'en parler par la bande que les partis seraient corrompus. Ah ben oui, hein? Il me semble qu'on en entend beaucoup parler. Le magazine, je pense, qui a parlé de corruption au Québec. Oui, le McLean. Semble. Et je vous, tu me fais une passe sur la palette pour envoyer une expression. Vous regarderez le magazine L'Actualité la semaine prochaine, la réplique du Québec au magazine McLean. Et j'ai vu la page couverture, c'est un bijou. je vais le faire encadrer. OK. C'est juste pour une indice. Quel magazine déjà? L'Actualité. L'Actualité, ben oui. On voit le bonhomme carnaval. En tabarouette, avec des grosses pancartes, nous aussi, on est contre la corruption, puis sont en train de courir entre des politiciens. Et le propriétaire de L'Actualité, c'est pas le même que McLean? C'est Rogers. Rogers. Oh. Donc, ça joue fort chez eux. Chicane dans la famille, on brasse notre linge sale. Hein? Yeah, c'est pour ça que Rogers s'est excusé aux Québécois la semaine dernière. Donc, en tout cas, on verra bien la semaine prochaine si jamais ça mérite d'être une revue de Logocratie. Mais bon, on est capable de lire, on est capable d'acheter les revues, ça va bien aller. Mais côté financement, pour revenir à ça, hier, Le nouveau ministre Jean-Marc Fournier a déposé non pas un, non pas trois, non pas quatre, mais cinq projets de loi pour mieux encadrer le financement des partis politiques et de la direction des campagnes électorales. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Claude Béchard, celui qui est décédé récemment, avait déposé un projet de loi, le troisième en un an. Okay? Le projet de loi 78, qui devait améliorer le système de financement ainsi qu'une refonte de la carte électorale. Donc, tout ça dans une loi. On sait que l'opposition était farouchement opposée à la refonte de la carte électorale telle que présentée par le DGE. Et même le Parti libéral était contre ce nouveau remaniement. Oui, ça pourrait quand même leur coûter quelques places. Exactement. Donc, l'échiquier politique serait vraiment... Les régions perdraient beaucoup et Montréal serait encore plus divisé en nombre de circonscriptions. Donc, il y aurait beaucoup plus de chances que des circonscriptions passent au 15 et demi. Donc, c'est pour ça que tous les partis politiques étaient opposés et Québec solidaire s'opposait de facto, non pas de la réforme, mais parce que c'est pas une bonne réforme, tout simplement. Non. Ils voulaient aller plus loin. Mais ça, c'est un autre dossier. Donc, l'opposition était pour renverser cette loi-là. Donc, Jean-Marc Fournier, en bon stratège qu'il est, a dit « Parfait, je vais prendre la loi 78 et je vais la scinder en 5. » Donc, au lieu d'avoir une loi qui ne fait pas l'affaire de tout le monde pour un article, on va faire 5 articles, que si l'opposition juge que l'article 5 n'est pas bon, ils voteront contre, puis les 4 autres articles seront adoptés. Ah, c'est un bon subterfuge. Et oui, exactement. Et on sait que les libéraux sont majoritaires en chambre. Ouais. Donc, ils seront adoptés, les 4 premiers projets de loi. Sans trop problème. Sans problème, exactement. Et il a déposé ça hier à la surprise générale. C'était même pas inscrit au feuilleton. Le Parti québécois n'était même pas au courant. Donc, ça a été la surprise générale. Mais qu'est-ce que les 5 articles du projet de loi? Là, on en parle, on ne sait même pas c'est quoi encore. Je vais vous les résumer, puis ensuite, on reviendra là-dessus sur le comparatif avec qu'est-ce qu'il y a actuellement. Donc, le premier projet de loi serait d'éviter le recours aux prête-noms par les entreprises. Mm-hmm. C'est le fer de lance du projet de loi. Parce que, encore lundi dernier, Québec solidaire, ça fait la deuxième fois en moins d'un an qu'il réussit à prouver qu'une entreprise utilise ses employés pour donner de l'argent à un parti politique. Ça, dans le fond, les entreprises demandent à leurs employés de donner 3 000 $, mettons, et eux vont leur rembourser le 3 000 $. C'est 500 $ le maximum. Ah, mais c'est 500. C'est 500 $, mais c'est quand même ça. T'as raison là-dessus. Donc, chaque employé donne de son propre chef. Mettons, c'est fou, OK? On va prendre c'est fou. OK. Bon, il y a Simon, il y a Mathieu, il y a François-Olivier. François-Olivier, le grand Manitou, c'est un libéral dans l'âme. Il dit... Bon, ben les amis, faites un chèque au Parti libéral, puis moi, je vais vous rembourser au noir. Donc, il n'y aura aucune preuve que C'est fou vous a donné de l'argent. Ou je peux vous faire un chèque de « Quand Mathieu, t'as bien animé cette semaine, un petit chèque de récompense de même pour tes bons services rendus. Okay. » Puis votre contribution va vous donner un reçu d'impôt. Et voilà. Mm-hmm. Et le reçu d'impôt, c'est 75 %. Donc, quand on donne 100 $, on donne en réalité 25 $. Ah ouais, ça, je ne sais pas ça. Et oui, on se fait rembourser. Donc, on finance un parti politique à même les taxes des citoyens. Ah! Voilà. Donc ça, c'est dit. Donc, en utilisant les prête-noms comme ça, si un individu ou une entreprise est pris en flagrant délit, tout comme la firme Axar, je disais tantôt, Québec solidaire a réussi à mettre le grappin sur la firme Axar, une firme de génie conseil qui avait donné plusieurs centaines de milliers de dollars en un an au Parti libéral. Hmm. On s'entend que les entreprises, d'un, n'ont pas le droit de financer un parti politique. Mm-hmm. C'est dans la loi. Ils l'ont fait à travers les employés. Donc, les employés ont donné généreusement. Puis, quand on donne 200 000 $ à un parti en un an, c'est louche. C'est légal, mais c'est louche. Donc, Québec solidaire a réussi à prouver qu'il y avait eu un mot d'ordre de la direction et qu'en retour, quand on finance un parti politique, en retour, on a des contrats. Donc, on peut donner 200 000 $, mais on a un contrat de 5 millions. c'est joué. Ça vaut la peine. C'est un beau retour de change. Oui, sauf quand tu te fais pogner. Ouais. Et là, avec la nouvelle dent qui aura la nouvelle loi, pardon, qui aura des dents, une entreprise ou un individu qui se fait pogner n'a plus le droit de recevoir des contrats, soit du municipal, du scolaire, du provincial, pendant ça laisse noir. Pendant combien? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Donc, en 5 ans, on s'entend que le chiffre d'affaires baisse. C'est plus qu'une tape sur les doigts, là. C'est vraiment. C'est 5 doigts. Micro, c'est. Ouais. Change de nom ou repars-toi sur un autre nom. Ouais. Mais tu dois te faire ça aussi? Tu as le droit de. Oui, t'as le droit. Dans le fond, c'est la compagnie comme telle qui est chargée. C'est pas les reconnus coupables. Mais c'est pas les dirigeants. Donc, les dirigeants pourraient mettre fin à la compagnie, d'en repartir une autre sur le même édifice. Réengager le même monde, peut-être. Ouais. Oui. Au pire. Oui. Donc, ça... on cherche à changer les codes d'entreprise au bureau d'enregistreur du Québec. Et puis, dans le fond, ça te coûte quelques centaines de milliers de dollars pour retrouver 5-6 millions de contrats. Sauf qu'on s'entend que si M. X Tremblay fait la gaffe avec la firme Y et qu'il rapporte avec la firme Z, on s'entend que les journalistes ne sont pas dupes. Ils vont dire « Hey, non, c'est lui, là, gars. Il va quand même avoir une surveillance démocratique. » C'est une moustache. Oui, exactement. Et maintenant, tous les dons seront publics. Ah, c'est bon. Donc, avant, on pouvait donner de l'argent. Et au-dessus de 200 $ ton nom figurait dans une liste au DGE. Donc, pour savoir qui avait donné. Maintenant, tout don sera public. Donc, si Simon donne 25 $ on va savoir que Simon a donné 25 $ On va te traiter de cheap aussi. Mais la moyenne des dons dans un parti politique, c'est 10$ Ah ouais? Oui, c'est peu. C'est pour ça quand on voit que les partis reçoivent 200 000 $ de financement par année, c'est louche. Oui, il y en a qui sont maniaques de politique puis qui aiment, qui défendent une cause, qui donnent 500 $ par année maximum. Donc, à chaque année, ils ont le droit. Il me semble qu'aux États-Unis, ça fonctionne comme ça. Tu as des registres, des dons. Mais c'est plus anonyme. C'est plus anonyme. Parce que si les gens, mettons, vont donner 1 million $ là, tu peux trouver leur nom sur Internet. Avec des gros montants faramineux comme ça, mais ils ont le droit de donner 1 million Tu as raison là-dessus. Des gens comme Matt Groening, mettons, le créateur de Simpson, lui, se retrouve sur les sites Internet listés comme démocrate parce qu'il a donné 1 million En écoutant son émission, tu te rends compte que c'est pas républicain, cette émission-là. Il critique quand même assez. Oui, mais exactement. C'est deux systèmes complètement différents. Même au Canada anglais, on se réfère souvent à la loi québécoise parce qu'elle a plus dedans. Là, on va encore plus la réformer. Donc, ça va être la loi la plus restrictive en Amérique. Loi qui est un peu l'héritage de René Lévesque. C'est René Lévesque qui a fondé la première loi sur le financement et depuis, on a juste ajusté. On n'a pas réformé en profondeur la loi. Donc, elle date de 40 ans, la loi. Donc, c'est du temps qu'il était ministre libéral. Donc, ça, c'est avant le Parti québécois. Ça fait un bout. Ça fait un bout. Donc, ça, c'était le premier projet de loi qui sera déposé dans 2 semaines Le prochain, c'est l'augmentation du pouvoir de contrôle et d'enquête du DGE. Présentement, il peut juste taper sur les doigts, comme tu as dit. Maintenant, il va pouvoir fouiller dans les archives, partout, et sanctionner s'il y a lieu. Donc, le DGE se retrouve avec des pouvoirs accrus, ce qui est bien, parce que c'est lui le gardien de la démocratie au Québec, le DGE. Le DGE, c'est le directeur général des élections. Il vient de démissionner, mais son bureau fonctionne quand même. Oui, il y a toujours quelqu'un qui est là. Exactement. Troisième, c'est la fixation des règles du financement public et privé des partis. Donc, quand on donne, un individu donne, une entreprise ne peut pas donner. Mais une collectivité pourrait donner. Donc, il faudrait juste voir comment ils vont remanier ça. Donc, une personne morale pourrait donner. Sauf qu'on va voir comment ils vont statuer là-dessus. C'est pas encore fait. D'accord. J'ai pas rien lu dessus, mais on verra bien. Quatrième, c'est l'encadrement du financement des campagnes à la direction des partis. Ça, c'est un problème qui est pas très soulevé, puisqu'il n'y a pas beaucoup de courses à la direction des partis politiques. Non. Mais quand... un candidat veut se faire élire pour son parti à la chefferie. Donc, il se doit d'avoir le plus de cartes de membres de vendus. Oui, c'est vrai. Et il y avait eu un petit imbroglio du temps de la course entre André Boisclair et Pauline Marois en 2008, si vous vous souvenez bien. Il y avait eu beaucoup de cartes de membres de vendus. Ouais. Et celui qui a le plus de cartes de membres, habituellement, c'est lui le plus riche, le plus imposant, le plus fort. Mais qu'est-ce qui arrive quand c'est le parti ou quand c'est le chef en devenir qui paye? Les cartes de membres. C'est ça, il y a eu beaucoup de cartes de données dans cette course-là. Beaucoup. Viens assister à notre super bénéfice, tu as une carte de membre de données. Au Parti libéral du Canada aussi, ça avait été fait lors de la course à la chefferie où Stéphane Dion avait remporté. Belinda Stronach avait été accusée d'avoir donné beaucoup, beaucoup de cartes à des étudiants universitaires qui faisaient juste se présenter à une rencontre. Oui, moi-même, je me suis déjà fait approcher ici, je suis en train de prendre une bière à Chasse-Galerie. Puis oui, je vais le dire, quelqu'un du Parti libéral du Québec avait un congrès ici au CAPS et puis il vient me cogner sur l'épaule, il dit « Ça te tente-tu de venir juste 10 minutes dans la salle? Mm-hmm. On va donner une carte. » Tu sais, tu fous, toi. Il est maintenant décédé. Exactement. Donc, et le dernier projet de loi, c'est l'amélioration du processus électoral. Donc là, ça serait la réforme complète du processus électoral. Donc, est-ce que ça serait la proportionnelle mixte, la proportionnelle améliorée, proportionnelle régionale? C'est sûr. On a amplement de choix. Elle va tomber. C'est clair que déjà morte au feuilleton. On n'en parlera même plus. La proportionnelle au Canada et au Québec, ça serait quand même assez difficile à imposer parce qu'on a vraiment une mentalité de comté et on a grandi là-dedans et on a nos, les stratégies politiques sont toutes basées là-dessus. Donc, exactement. Ça serait assez difficile de réformer ça. Oui, oui. Mais tant son temps qu'on va rester avec deux partis politiques, deux grands partis au pouvoir, ça va demeurer comme ça l'est actuellement. Oui. Mais peut-être avec la formation d'autres partis politiques qu'on pourra parler ultérieurement. Ben oui. Hein? Parce que c'est... tu me disais hors micro, oui, ça se pourrait qu'il y ait un troisième parti politique. Puis moi, j'ai dit, ça se pourrait qu'il y en ait trois en tout. Donc, ça foisonne au Québec parce qu'on est tanné des vieux partis. Selon les organisateurs des nouveaux partis. Présentement, donc, ce que je voulais dire, qu'est-ce qui existe comme loi présentement au Québec si les projets de loi ne passent pas? On disait, seuls les individus ont le droit de financer un parti politique. Et tu reçois un reçu d'impôt quand tu le fais. Ton nom est inscrit, donc tout est transparent, légal pour celui qui suit la loi. Donc, quand tu donnes 200$ et plus, tu dois le faire par chèque. Tu ne peux pas le faire par argent comptant. Oh! Donc, par chèque, donc, tu laisses une trace. OK. Oui, la trace. Ton nom est écrit. Très important. Et avec la nouvelle loi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand tu vas faire un chèque, tu vas le donner non pas au parti politique, mais au DGE. Et lui, il va le faire acheminer au parti politique. Ah! Donc, il va falloir que tu mettes en bas à gauche du chèque, c'est toujours marqué pour quelle raison on fait le chèque. Mm-hmm. Ça va être marqué pour financer le Parti libéral, pour financer le Parti vert du Québec. Pour que ça aille dans la bonne branche. Oui, mais ça va être plus long que ça. Il va faire un formulaire à remplir avec coordonnées, adresse et signature. Ça peut empêcher également donc certains bailleurs de fonds de peut-être se remplir les poches. Parce que oui, exactement. Et d'établir des listes d'amis du parti, et peut-être, voilà, pour leur donner des postes ou les aider. Oui, pour être gentil, de rappeler un son de main. Et le DGE, ça peut lui sonner une cloche. Il reçoit 50 chèques du même type ou de la même organisation ou libellé de la même entreprise. Ça va être beaucoup plus facile de faire des liens de rapprochement. Ben oui. Donc, c'est une arme de plus pour le DGE. Ça va donner beaucoup, beaucoup de poids, donc, au DGE. Oui. Énormément de poids. En espérant que le DGE mette ses culottes et qu'il aille de l'avant. Parce que pour l'instant, il ne peut rien faire, comme je le disais. Ce sont, entre autres, Québec solidaire. Parlons juste de cette partie-là, parce que c'est le seul à avoir fouillé et avoir déterré les trucs. Et cette semaine, pour faire un lien avec ça, lundi dernier, Québec solidaire est revenu à la charge pour une deuxième fois en un an, comme je le disais en introduction. Il a dit que la firme de Génie Conseil, attendez, je retrouve son nom juste pour être certain, la firme Roche, basée à Québec, a donné 227 000 $ cette année pour le Parti libéral. Et depuis 2000, a donné 227 000, mais cette année seulement 97 000, donc la moitié cette année. Et a donné aussi 8 000 $ au Parti québécois. Donc, ils sont dans l'opposition, on va leur donner. Au cas où. Et s'ils prennent le pouvoir, tu te souviens, je t'avais financé pour 10 000 piastres. Bon, ben là, je pourrais doubler la mise. T'sais, c'est toujours un jeu de corridor comme ça. Mm. Et puis là, la firme Roche s'est défendue en disant, ben non, il n'y a pas eu de mot d'ordre de la direction. Donc là, il y aura enquête du DGE. Amir Kadir, qui a fait une sortie publique assez remarquée là-dessus, a dit, j'accuse, en pointant du doigt, la firme Roche de financer... Dans le foyer avec un chandelier. Monsieur Moutarde dans le... Ouais. Donc, il l'a fait et il l'avait fait au printemps dernier avec la firme Axar, donc une firme sœur de Roche, une firme de Génie Conseil. Et Axar a dit, effectivement, je plaide coupable. Donc, il y a un précédent maintenant au Québec. Okay. Qu'il y a une firme reconnue coupable de financement illicite d'un parti politique. Mm-hmm. Donc, on sait que maintenant que ça existe. Avant, c'était des allégations, la fabulation. Maintenant, on sait que ça existe. Et il y aura une sanction, peut-être aux criminels, on ne sait pas encore. Ouais. Ça va aller jusque-là. Ça va être sévère. Ça va être très sévère. Et avec les nouvelles lois, peut-être qu'il y aura une rétroaction. Ah, ils vont aller chercher en arrière pour. Probablement. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, 5 projets de loi, dont 4 sûrs d'être adoptés, à moins qu'il y ait vraiment, vraiment du dérapage en chambre. Mm-hmm. Ça sera adopté d'ici les 2 prochaines semaines pour le premier projet de loi. Et les autres suivront jusqu'au mois de janvier. Et, fait important, il n'y aura pas de commission parlementaire pour en discuter. Oh! Pourquoi? Donc, on essaye de faire ça le plus rapidement possible? Oui et non. Oui, parce que c'était déjà une loi qui était en vue d'être adoptée. Donc, il y a eu des commissions, de fait. Et là, le ministre fait juste dire, on va la scinder. Donc, tout le monde a déjà discuté de la loi, mais on va juste la scinder en 5. Aha. Donc, plus besoin de discuter. Donc là, les partis d'opposition sont en furie. Ben oui. On aimerait savoir ce qu'il y en est. Puis là, 5 projets de loi, puis... Le Parti québécois a même accusé de ridicule et d'amateur d'irresponsable la manière d'agir du ministre et a même dit que le Parti libéral tentait de noyer le poisson parce que tout le monde veut une commission de l'enquête sur le financement des partis politiques au Québec. Mm-hmm. Et là, en faisant ça, pas de commission, donc pas de retour dans les médias, rien. Donc, on caviarde, si on veut, la réalité des projets de loi. On se lave les mains à l'eau de Javel. Exactement, l'arc blanc. Donc, on verra, ça sera à suivre, mais pour l'instant, ça brasse à Québec et le gouvernement sent que la soupe elle commence à être un petit peu trop chaude à son goût. Donc, on verra ce qui va en suivre. Les grandes réformes. Ouais. C'est peut-être dur de noyer un poisson, par exemple. Ça, c'est... Le poisson, c'est déjà dans l'eau. Ben, sors-le de l'eau, tu vas le noyer dans l'air. C'est comme dénoyer. Ouais, dénoyer. Ouais. Comme Daniel, dénoyé. Ouais, c'est lui qui fait de la musique. Lui, on pourrait le noyer aussi. Ouais, non, ça, c'est méchant, par exemple. Non, je l'assume. Merci François Landry. Ça fait plaisir. On te retrouve jeudi prochain à 8h30 avec une autre chronique Logocratie 101. Ouais. Oh ouais. C'est plus rock comme ça. Ouais. Logocratie. toujours à Assemblage Requis, il nous reste un petit 7 minutes à l'émission. Simon fait du bien toujours avec moi. Et oui. Et oui, on va l'écouter de Sadies. Sadies. Voici Another Day Again. Assemblage Requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Winter Loves avec Jump à Assemblage Requis. C'est la fin de l'émission et c'est la fin de la semaine. Donc, je veux dire merci à tout le monde qui a participé à l'émission aujourd'hui. François André, évidemment, qui était là tantôt. Simon Fédibé qui est encore avec moi. Ben oui. Qui va finir l'émission avec moi. En fait, oui. En fait, oui. Oui. C'est à peu près ça, hein? Oui. Ça a l'air à peu près ça. On remercie aussi les gens qui ont participé à l'émission le reste de la semaine. On peut passer à Stéphanie Gagné, à Émilie Gauthier, Maxime Lemulleramé, Audrey Tremblay. Qui est-ce qu'il y a eu d'autres? Il y a eu les gens de. Il y a eu Alexandre Gauthier hier, les gens de l'organisme communautaire de Trois-Rivières. C'est tous les gens, tout le monde, on les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on va vous retrouver, nous, mardi matin, parce qu'on prend congé lundi. Ben oui. C'est quoi lundi déjà? C'est l'action de grâce. Ah, Colin, je vais faire ma grâce matinée. Oh, premier à faire ce jeu de mots-là. Donc, mardi à 7h, François-Olivier Marchand va être de retour avec une surprise pour nous. Donc ça, c'est mardi matin. Sinon, sur nos ondes aujourd'hui, restez là pour le Dîner de con à 11h. Il va y avoir aussi... tu vas être là à l'émission Le Dîner de con aujourd'hui. Hein? Oui, Scout des internets. Oh, toujours prêt. Et ensuite, ce sera une dose d'estrogène avec de la musique variée et des suggestions sorties. Moi, je vais être de retour à 14h pour les Palmarès C'est fou en compagnie de Stéphanie Gagné. On va vous présenter le top 20 francophone et le top 20 anglophone de la semaine. Et puis, Stéphanie va rester avec vous pour une belle bêche en mission. La soirée va être longue après ça, hein? Mais longue, bonne, genre. On espère. Oui. L'Aspiral à 18h, Skypunk à 19h et Simon va être de retour avec vous à 21h avec la saveur du moment. Je commence avec vous et je termine avec vous. Ah, c'est bien dit, j'aime ça. Si vous avez manqué une chronique ou un segment ou un moment drôle, vous avez envie de revivre le meilleur de C'est fou, ça s'appelle justement par le fait même le meilleur de C'est fou et c'est vendredi matin entre 6h et 9h, on rappelle samedi de 13h à 16h. Passez une excellente fin de semaine, puis amusez-vous. Ayez du fun. Du plaisir. Allez aux glissades d'eau. Ah oui, ben oui, c'est le moment, je trouve. Ah oui, ben, peut-être une place encore, c'est ouvert, on sait pas. Tu penses peut-être qu'il va falloir prendre un moyen de transport. Ouais, ouais, aller peut-être loin même. C'est ça. Pas de la route. T'as-tu hâte à la pêche aux petits poissons des genoux? Tu vas-tu là? Je suis jamais allé, mais c'est un de mes rêves, en fait, parce que, tu sais, moi, m'asseoir dans une cabane avec bien de la bière puis boire toute la journée en attendant des petits poissons que je mangerai même pas, ça m'intéresse beaucoup. Tant qu'à ça, m'a mâché du Captain Eyeliner. Des petits bâtonnets de poissons. Mmh, c'est bon. Donc, bonne fin de semaine. À mardi 7h. Bye, Simon. Bye-bye.